Kamikaze. Dans ce monde, je vis des faux qui comme elles parlent sur moi, faut pas le commerce te casse. J'ai tout attendu comme un monde, tu te casses. La retourne, moi, je l'arrête avant, frère, mets-toi ça dans la tête. Les vrais sables, y'en a plus comme avant. J'ai la soif, donc je prends le montant. Une bouteille de Jack, tirerai pour Ross, prends un vin. Dans l'alliage, que je remplisse mon sac. On voit le gun, on voit sans cargo. Je compte que sur un stylo et un cahier. Comme Nicky, mec, je carame au poste. Comme elle le donne ce poulailler. Vision somme, veulent qu'on tombe dealer. Que je pense à toi même dans le brouillard. Elle si tu critiques et t'écoutes, tu brouillard. J'ai pas besoin de toi, c'est des brouillards. Tu portes mes couilles, trop trouillard. Tu parles trop du billard. Tu vas finir avec une queue du billard. Encore pire que qu'hier, je t'envoie dans un corbillard. Dehors ça caille mon pote, je crame la prod, gare à toi. Je vis cache la tête, rap gonflé sans prod. Je rappe pour les mères, forgé par le bitume. J'ai les mains sales, chacun se bat pour son père. Ramène-moi le Kachi, que le rap est mort. Tant que t'es encore debout, et j'ai la voix, je rappe encore. Le caramel dans la tête, je nique la contre tous ces morts. Je rappe avec la dalle, pense à tout ce qui sont derrière les barreaux. Mon gun sur la tête. Mon doigt sur la gâchette, comment pourras-tu nous faire taire? Plaqué au sol, visage contre terre, on fait ses thugs et ses cours, toujours en paix pour faire la guerre. Mon gun sur leur tête, mon doigt sur la gâchette, comment pourras-tu nous faire taire? Plaqué au sol, visage contre terre, ok, c'est thugs et ses cours, toujours en paix pour faire la guerre. Tu peux pas juger, le DH, je suis de G, du au fond que j'ai, les MC sont tout trajet, j'ai pas fait tout ce trajet, point sans tragique, c'est Rital, thugs et ses cours. Enragé sur une putain de zik engagé. Pour se faire du fric on est venu poser nos couilles, alors assume tes critiques bonnes ou mauvaises. Au mal toujours à l'aise avec la cadence de M16. J'arrive chaud comme la braise, MC ramène ta fraise après la punition. Place à la condamnation, les faux MC je les passe à la chaise, c'est du lourd. Et des putes voudraient me clash, j'ai fait ça pour abattre tous les lâches, j'ai fait ça pour. Aux MC qui me fâchent, ils se font discret. Quand je déterre la hache, non, j'arrêterai pas. J'irai jusqu'au bout du combat pour vaincre mes adversaires. Au mic comme sur le ring, je sais très bien faire la guerre et rien prendre à la légère. Mon gun sur la tête, mon doigt sur la gâchette, comment pourras-tu nous faire taire? Plaqué au sol, visage contre terre, ok c'est thug et c'est court, toujours en paix pour faire la guerre. Mon gun sur leur tête, mon doigt sur la gâchette, comment pourras-tu nous faire taire? Plaqué au sol, visage contre terre, ok c'est thug et c'est court, toujours en paix pour faire la guerre. Ouais, c'est ça mec, c'est ça, t'as thug, ma main Zico, des 008 frérot. Si, ça vient de la zone, 8-3.